Et ça, de manière générale, quand tu ne prends pas ta science des sources authentiques, tu deviens une proie facile pour Shaitan, comme nos frères et sœurs qui peuvent être éprouvés par le waswas. Tu leur dis, n'écoute pas Shaitan. Shaitan, il ne veut pas ton bien. Il te dit, peut-être que ta salat n'est pas valide. Peut-être que tu n'as pas prononcé Takbir correctement. Peut-être que tu n'as pas fait le nombre de rak'at complet. Recommence la salat. Comme ça, au moins, tu vas être sûr que tu as accompli ta salat convenablement. Donc, si tu n'écoutes pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu n'écoutes pas ce que le prophète alayhi salam te dit, et de faire abstraction de ces waswas, de ne pas en tenir compte, et Shaitan, c'est le pire des mauvais conseillers. Si tu n'écoutes pas cette recommandation, et t'obéis au Shaitan, tu recommences la salat, sous prétexte d'être sûr, et la salat, elle est très importante, et tu n'as rien à perdre de toute façon. Si tu l'écoutes, alors tu lui as ouvert une porte, et tu l'as invité à te dominer. Ne t'étonne pas que un an, deux ans plus tard, tu te retrouves dans des waswas qu'on appelle waswas al-qahri, ou même dans une période plus courte, selon les cas, où tu es complètement dominé par Shaitan dans tes pensées, et tu n'arrives même pas à réfléchir par toi-même. Tu dis Allahu Akbar, il te dit, tu viens de prononcer une mécréance. Car ta pensée en disant Allahu Akbar a une mécréance. Et des choses comme ça, qu'on entend chez nos frères et sœurs, qu'Allah les aide, mais pour remédier à ces waswas, la recommandation du prophète, c'est d'en faire abstraction, de ne pas tenir compte de toutes ces choses-là, et de faire les causes pour augmenter ta foi, et multiplier vikr pour éloigner Shaitan de toi. Car en général, cette domination de Shaitan, c'est une cause de la faiblesse de foi. C'est une cause de la faiblesse de foi. Et ça peut être une cause de la faiblesse d'esprit aussi. Ça, c'est dans son début. Mais après, quand cette maladie s'installe et devient yani, quelque chose en toi, après, même si tu es très intelligent, tu comprends très bien, tu as un raisonnement très logique, très sain, tu peux être quand même victime de ces choses-là. L'waswas, il est très facile à repousser à son début. Si tu t'orientes vers les bonnes personnes, tu prends les bons conseils et tu les mets en pratique. C'est très facile à s'en débarrasser. Mais si tu le laisses s'installer en toi et tu ouvres des portes à Shaitan, et tu l'invites à te dominer. Allah il nous dit dans le Coran, « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. » Certes, mes serviteurs, les serviteurs d'Allah, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Shaitan n'a pas de pouvoir sur le croyant. C'est pour ça, je ne dis pas personnellement, une personne est possédée par Shaitan. Shaitan ne possède pas un croyant. Mais comme le Coran, comme Allah il nous dit dans le Coran, « Idha massahum ta'ifum min ash-shaytan. » Ils sont touchés par Shaitan. N'est pas possédé. Shaitan ne possède pas un croyant, mais il le touche, il masse. Il entre dans son corps. Il peut avoir des effets sur ses pensées, sur son cœur, et sur son cerveau, et sur les autres parties de son corps. Les autres parties de son corps. Un effet réel. Al-Mas existe en islam. Ceux qui le réfutent et qui renient Al-Mas, c'est en général le Mu'tazila et ceux qui ont été influencés par ce courant qui appelle soi-disant Al-Aql, la raison, et qui élève la raison au-dessus de la révélation. La raison est très importante dans l'islam, mais pour comprendre la révélation, pas pour juger la révélation et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais de toute manière, une raison saine qui n'a pas été polluée et corrompue par l'environnement, elle sera en parfait accord avec la révélation authentique. Donc l'ouswas, parmi les remèdes, premier remède, c'est d'en faire abstraction. Et ce qui va t'aider pour y arriver, c'est de faire les causes pour augmenter ta foi et t'éloigner des péchés et multiplier dhikr. Car dhikr repousse shaytan. Min sharri al-waswas al-khannas. Shaytan yakhnus idha dhukira Allah wa yuwaswis idha ghufila an dhikrillah. Quand tu es dans l'abstraction et l'insouciance du rappel d'Allah, shaytan il vient, il fait son travail. Et quand tu fais dhikr, ça éloigne shaytan. Rien que le fait de dire a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, cette formule est suffisante pour éloigner Iblis en personne, qui est le plus fort des shayatin. Mais, comme bien même d'entre nous diront « Wallahi akhi, je la répète 100 fois et ça ne l'éloigne pas de moi. » La faille, ce n'est pas dans la formule. La faille est en toi, en ta foi, en ta certitude. Et malgré cela, continue à la répéter, même s'il faut la répéter par milliers de fois, et non pas par centaines. Et ça finira par faire effet, bi'idnillah. Car à force de répéter, et surtout si tu comprends un minimum de cette formule, par exemple, ça va entrer dans ton cœur, et ça va augmenter ta certitude. Mais Shaitan, il te fait voir que ça ne fait pas effet, même si lui, ça lui fait du mal, il patiente, pour te donner l'impression que ça ne lui fait pas effet, afin que tu perds confiance en ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit. Il faut savoir que tu as un ennemi virulent qui te déteste à un point que tu ne puisses pas imaginer. Il te déteste comme ça a été décrit dans le Coran. Adouun mubin, un ennemi évident et clair, qui ne cache pas son animosité pour toi. Il a une jalousie, une enviosité vis-à-vis de toi, une haine incroyable. Et c'est un ennemi qui te voit et toi tu ne le vois pas. Et c'est un ennemi à qui Allah a donné des outils. Mais toi, sache qu'il t'en a donné plus que lui. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'utilisent pas les moyens qu'Allah nous a mis à notre disposition pour nous préserver du mal de Shaytan. Et c'est ça qui fait que la plupart d'entre nous sont victimes de Shayatin et de l'mas et d'autres maux. Mais pour le croyant, c'est un bien pour lui. Et combien de personnes, à cause de ces épreuves, elles s'est rapprochées énormément d'Allah d'une manière qu'elle-même, elle reconnaît que jamais elle aurait pu arriver à ce degré dans la foi et dans la religion et dans l'apprentissage de la religion sans cette cause. Et regarde comment les épreuves peuvent se transformer en un grand bienfait pour toi. Donc, le croyant, rien ne lui fait du mal dans sa religion tant qu'il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui te touche, c'est pour ton bien. Et rappelle-toi toujours que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers toi que la mère envers son fœtus. La mère envers son bébé. Wallah al-musta'an.